Onzième chapitre. Comment Siegfried rentra dans son pays avec sa femme. Lorsque les hôtes furent tous partis, le fils de Siegmund dit aux hommes de sa suite « Nous allons aussi nous préparer à rentrer dans notre pays. » Quand Kriemhild apprit cette nouvelle, elle s'en réjouit. Elle dit à son époux « Puisque nous partons d'ici, point n'est besoin de tant nous hâter, mes frères doivent d'abord partager les terres avec moi. » Ces paroles de Kriemhild peinèrent Siegfried. Les princes allèrent vers lui et lui dirent tous trois « Sache, roi Siegfried, que nous sommes toujours prêts à te servir fidèlement jusqu'à la mort. » À cette offre si cordiale, il s'inclina devant eux. « Nous partagerons aussi avec toi, » ajouta le jeune Giselher, « les pays et les bourgs qui nous appartiennent. De tout ce qui nous est soumis dans ce vaste royaume, vous aurez votre part avec Kriemhild. » Quand le fils de Siegmund eut entendu les paroles et la volonté des princes, il leur répondit « Que Dieu vous rende toujours heureux dans votre héritage. Nous pouvons nous en passer, ma chère femme et moi. Elle n'a pas besoin de la part que vous voulez lui donner, car elle portera la couronne, et si nous conservons la vie, elle deviendra plus puissante que nul reine au monde. Pour tout ce que vous ordonnerez du reste, je suis tout à votre service. » Alors dame Kriemhild parla. « Si vous n'avez pas besoin de mon héritage, les guerriers burgondes ne sont point de si peu d'importance. Un roi peut les conduire avec plaisir dans son pays. Je désire que la main de mes frères chéris les partage entre nous. » Le seigneur Gernot répondit « Choisis ce que tu veux. Tu en trouveras beaucoup ici qui voudront chevaucher avec toi, parmi 30 fois 100 guerriers. Prends 1000 hommes destinés à former ta suite. » Kriemhild envoya aussitôt vers Hagen de Trondheim et vers Ortwin pour demander si eux et leurs parents voulaient la suivre. À cette nouvelle, Hagen fut rempli de dépit. Il s'écria « Gunther ne peut nous céder à personne. Que d'autres chevaliers vous suivent? Vous devez bien connaître les usages des Trondheimers. Nous devons rester ici à la cour du roi. Nous ne servirons dans l'avenir que celui que nous avons suivi jusqu'à ce jour. » La chose en resta là, et l'on se prépara à partir. Dame Kriemhild s'attacha à une noble suite, 32 jeunes filles et 500 hommes. Ekvart le comte suivit la reine quand elle partit. Chevaliers et écuyers, dames et damoiselles, prirent congé ainsi qu'il convient. On se sépara après avoir échangé main baisée. Ils quittaient satisfaits les terres du roi Gunther. Leurs proches les conduisirent bien loin par le chemin. On fit préparer partout des logements dans le pays du roi, là où il préférait passer la nuit. Des messagers furent alors envoyés à Siegmund, afin que lui et dame Sieglind puissent savoir qu'ils arrivaient avec la fille d'Wotte, la belle Kriemhild de Worms d'Outre-Rhin. Jamais nouvelle ne leur fut plus agréable. « Bien heureux suis-je, » dit Siegmund, « d'avoir vécu jusqu'au jour où la belle Kriemhild marchera ici la couronne en tête. Je veux que mon héritier soit honoré davantage encore. Il faut que mon fils Siegfried soit roi lui-même. » Dame Sieglind donna au messager du velours écarlate et un grand poids d'or et d'argent. Ce fut là sa récompense. Elle se réjouit de la nouvelle qu'elle venait d'apprendre. Sa suite s'habilla en toute hâte comme il convenait. On lui dit ceux qui accompagnaient son fils dans le pays. Elle fit aussitôt préparer des sièges, là où il devait s'avancer, portant la couronne devant ses fidèles. Les hommes de Siegmund chevauchèrent à sa rencontre. « Je ne sache pas que personne ne fût jamais mieux reçu que ne le furent ces héros dans le pays de Siegmund. » Siegelind chevaucha à la rencontre de la belle Kriemhild avec maintes gracieuses femmes et mains hardis cavaliers. L'espace d'une journée de marche, jusque là où se trouvaient les étrangers. Les Nibelungen et les Burgondes avaient souffert bien des incommodités avant d'être arrivés à un grand bourg qui s'appelait Zanten, où depuis Siegfried porta la couronne. La bouche souriante, Siegmund et Siegelind embrassèrent Kriemhild avec tendresse des heures entières ainsi que leur fils. Leur souci s'était dissipé. Toute la suite était la très bienvenue. On fit approcher les hôtes de la salle de Siegmund. Puis on enleva les belles jeunes filles de leur hackney. Il y avait là maints chevaliers qui se hâtèrent de rendre ce service à ces charmantes femmes. Quoique la splendeur des noces au bord du Rhin fût connue, on distribua ici aux guerriers des vêtements plus riches que tous ceux qu'ils avaient portés jusqu'à ce jour. On put raconter merveille de leur grande richesse. Tandis que les princes étaient assis dans leur splendeur, leur suite portait des habits de couleur d'or avec des galons et de riches pierreries travaillées dans le tissu. Ainsi les traitait courtoisement la noble reine. Et voilà que le seigneur Siegmund prit la parole devant ses fidèles. « Je fais connaître à tous les parents de Siegfried qu'en présence de ses guerriers, il va porter ma couronne. » Les habitants de Niederlanden apprirent cette nouvelle avec joie. Il lui confia sa couronne, son droit de justice et son pays. Depuis lors, Siegfried en fut le seigneur. Quand il devait juger ou bien discerner ce qui revenait à chacun, il le faisait avec tant d'équité qu'on craignait grandement l'époux de la belle Kriemhild. Il vécut ainsi en grand honneur et pendant 10 ans, cela est certain, il rendit la justice couronne en tête. Alors la belle reine eut un fils, à la grande satisfaction de tous les parents du roi. On se hâta de le baptiser et on lui donna le nom de Gunther, ainsi que s'appelait son oncle, et de ce nom il ne devait pas rougir. Heureux s'il eût pu lui ressembler. On l'éleva avec soin, et il devait en être ainsi. Vers le même temps mourut Dame Sieglind. La noble fille d'Oth s'empara de l'autorité dans le pays, comme il appartenait à une si puissante reine. Mais on pleura beaucoup celle que la mort venait d'enlever. Au bord du Rhin également, ainsi l'avons-nous entendu dire, la belle Brunhild donna un fils au puissant Gunther dans le pays des Burgondes. On l'appela Siegfried par affection pour ce héros. Ah, comme on le faisait surveiller avec soin! Gunther le très riche lui donna un gouverneur qui devait lui inculquer toutes les vertus pour le temps où il deviendrait homme. Hélas, depuis lors que d'amis lui enleva l'adversité. On parlait constamment de la noble façon dont vivaient les valeureux guerriers dans le pays de Siegmund, mais on sait que Gunther vivait de même avec ses fidèles. Le pays des Nibelungen était soumis à Siegfried. Nul de ses parents ne fut jamais aussi riche, ainsi que les deux héros de Schilbung et tous leurs biens. Siegfried en portait le cœur plus haut. L'homme hardi possédait un trésor, le plus grand que jamais homme posséda, excepté ceux qu'il avait eus avant lui. Il l'avait gagné par la force de son bras, au pied d'une montagne, et en cette occasion il donna la mort à plus d'un valeureux chevalier. Il avait des honneurs à souhait, et si rien n'était survenu, on aurait pu dire avec raison de ce noble héros qu'il était le plus heureux de tous ceux qui jamais montèrent en coursier. On craignait sa force, et non sans motif.